J'ai vu la vie en rouge, le rouge avec j'ai des bleus. T'as beau gratter tes couilles, mais moi chèque t'en as peu. Tellement que j'illumine, on croit que j'illuminati. Les négros veulent la gloire, mais leur niveau est comme Mimimati. Trop de cinéma, trac, brac, vite, mac. Moi personne me rate, j'rappe sec, échec et mat. Mon style m'a tout pris, j'suis trop frais, j'me trouve clean. Pas de Brooklyn, mais j'ai le verbe qui pue le cri. Faut MC qu'on tournait à la craie. Dans la cage, ma dream team vous met d'accord d'une clé, j'prends la terre. Tout ce que j'touche devient mal d'argent. J'arrive en raptor dans le game, tu vois un black brut, c'est navrant. Du son lourd, j'dois restituer. Dis-moi un peu ce que t'écoutes et j'te dirai l'MC que tu es. Ma rime peut tuer. Non, le 16 est peut-être trop cruel. Il sent la piste de la petite ruelle. T'as voulu tester. Maintenant t'es tellement dans la merde que les gens imaginent que tu vis dans tes chiottes. Pardonnez-moi si je radote, mais les number one jamais ne se mélangeront aux fiottes. Tu rêves du trône, hein, tu n'es que valet. Je me pointe dans vos tubes pour nettoyer la crasse au palais. Ah, palais, pâte, rap ou crève. Cette année c'est la nôtre, allez emballez vos foutaises. J'suis la deuxième stose bois sortie du chargeur. À force de jacter les rageux deviennent adeptes de mon majeur. Featuring punch et sunshine. Vu la putain de cap concert, les 6 gros pas se rendent que j'la. Rap d'or, water, black brut, black pupa. Les black crack ne supportent pas qu'on pute le mic à tout va. Ce que j'projette, tout baiser en brochette. En gros faire des MC meillages autour du cou, leur foutre une clochette. Un tel trio, on s'y prépare pas, c'est le cache-bras. Avant d'appuyer play, enfile ton pare-balles, ça plaque pas. MC pousse-toi et laisse-moi kicker. À l'étape brute, viens débiter. Une nouvelle prod vient d'être criblée. J'parcours le game en claquette, gars. Skate gars, la tech bar. D'elle-même, t'inquiète pas. Ferme-la quand la test pas. Tu dis que t'encaisses pas. Tu mens, c'est en secret que tu t'éclates. Ça poussillonne des stoses pas. Le top serait que tu t'écartes. La concurrence, inoffensive, elle est sans suite. À chaque son, le sang coule. On crache des coups de boule dans les gencives. 9-1, la stose pas. D'un fusil à lunettes. On poustillonne sur le rap, y'a plus qu'à gratter l'allumette. T'as voulu tester, maintenant t'es tellement dans la merde que les gens imaginent que tu vis dans tes chiottes. Pardonnez-moi si je radote, mais les number one jamais ne se mélangeront aux fiottes. Tu rêves du trône, hein, tu n'es que valet. Je me pointe dans vos tubes pour nettoyer la crasse au palais. Ah! Palais, pâte, rap ou crève. Cette année c'est la nôtre. Allez, emballez vos foutaises. Toc, toc, toc, devine qui frappe à ta porte. Ray, venu sauver le pop qui est sur une corde. Ray, un gros beat, un micro, les gens qui je me shoot à cette musique et j'assume en être un junkie. Ah, talentueux, on me l'a dit, mais je le sais. Le premier qui ose me contredire sans gêne, moi je le sais. Je me narre pour me pousser à bout. J'suis pas né de la dernière pluie. Pareil que j'ai pris le melon, pourtant je n'aime pas ce fruit. Je ne me prétends pas être, je suis. Si Brut ne stack pas des loges, qui le fera pour lui? Nobody, j'rappe en franglais, le fil du casque pour te trangler. Ask your favorite MC dans le rap, qui le fait bander? Si j'perce pas après mon album, j'passe au plan B. J'réunis toute l'équipe de Sky pour les plomber. J'passe mes nuits à gratter, j'en deviens somniaque. J'ai plus d'une corde à mon arc, Sagittaire comme signe du zodiaque. On n'apprend pas à un singe à faire la masquerie. Ce n'est pas parce que je parle le verlan que je ne suis pas enfant de la patrie. J'ai mis la barre haute, je suis d'humeur persiste. Brut, c'est minimum 5000 ventes, je signe persiste. T'as voulu tester, maintenant t'es tellement dans la merde que les gens imaginent que tu vis dans tes chiottes. Pardonnez-moi si je radote, mais les number one jamais ne se mélangeront aux fiottes. Tu rêves du trône, hein, tu n'es que valet. Je me pointe dans vos tubes pour nettoyer la crasse au palais. Ah, palais, pâte, rap ou crève. Cette année c'est la nôtre, allez emballez vos foutaises. Faites un mur de votre cité, car la balle est dans mon camp. Dieu est Brems, nous on est tous derniers, comme le mot est con. Cherche pas, ça se passe comme as et pas autrement. En 2-3 mesures, je mets les pendules à l'heure, regarde sur ta tremont. À l'horizon, y'a trop de suspects et des légères de chasse. Dans ton entourage, des deux traits, prends-en un de chaque. Les balles perdues tueront des innocents, tant qu'il y aura des armes. Pour le succès, certains n'hésitent pas à bicraver leur corps au diable. A vous, c'est le désordre autour de nous. Faut pas que t'avances des salopards, mets tes sabots sur tes roues. Mate-moi dans les yeux et bouge ta tête, y'a marre quand tu m'écoutes. Black brute 9-1, 9-2. On se serre les coudes, la vie est dure, cousin. Alors pourquoi veux-tu qu'on se range? S'couplet, c'est une puce pas lourd pour ceux qui sont en sens. Le 9-2 lâchera des punchlines, même si tu jettes l'éponge. On innove selon nos moyens, mais faut pas croire confiance. Nos ambiances hip-hop, fin, grave, Dombolo et Rai. On aime le coup de feu, c'est l'hymne national de la racaille. Yeah. T'as voulu test, maintenant t'es tellement dans la merde que les gens imaginent que tu vis dans tes shots. Pardonnez-moi si je radote, mais les dumper voiles jamais ne se mélangeront aux fiottes. Tu rêves du trône, hein, tu n'es que valet. Je me pointe dans vos tubes pour nettoyer la crasse au palais. Ah, palais, pâte, rap ou crève, cette année c'est la nôtre, allez, en